Quelle la puissance, quelle âme brise l'indifférence. Oh, c'est pas juste, c'est mal écrit comme une injure, plus qu'un mépris. Quoi que je fasse, quoi que je fasse, je sais pas pourquoi je sais.